بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا بالأمس ما يتعلق بباب الحيض. Nous avons vu hier certains points liés au sujet, au chapitre des menstrues. وقبل أن نشرع في الحديث الثالث هناك أمر أحببت ذكره. Et avant de commencer l'explication du troisième hadith, il y a un point que je voudrais citer. في المرأة المستحاضة كيف تعرف حيضها؟ La femme qui est touchée de métrorragie, comment va-t-elle connaître ses menstrues? Comment va-t-elle connaître quand est-ce qu'elle a ses menstrues? ذهب الجمهور وهم الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنها تعمل بالتمييز إن كانت تميز أولا. Et donc la grande majorité des savants, الجمهور, c'est-à-dire l'imam Malik, ainsi que l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, il voit que cette femme, elle va connaître ses menstrues en distinguant le sang en lui-même, si elle a la capacité de distinguer, tout d'abord. لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ يَخْتَلِفُ عَنْ دَمِ الْإِسْتِحَاضَةِ كَمَ رَأَيْنَهُ بِالْأَمْسِ. Car le sang des menstrues est distincte du sang de métrorragie, comme on l'a vu hier. La couleur, l'odeur, l'épaisseur, plusieurs éléments qui montrent que les deux sangs se distinguent l'un de l'autre. ثُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيِّزِ فَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى عَادَتِهَا السَّابِقَةِ. Et donc si cette femme n'a pas la capacité de distinguer entre les deux sangs, alors, à ce moment-là, elle regarde l'habitude qu'elle avait avant. C'est-à-dire qu'elle sait qu'avant, elle avait ses menstrues entre telle et telle période. Et avant, elle avait ses menstrues entre telle et telle période, etc. Et donc, voilà par rapport à ce sujet. وَأَيْضًا قَبْلَ أَنْ نَذْكُرَ الْحَدِيثَ الثَّالِثِ فِي هَذَا الْبَابِ رَأَيْنَا أَمْسْ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. On a vu hier, avant de commencer le prochain hadith, on a vu hier donc Umm Habiba qui était touchée par des métrorragies. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a ordonné de faire le rousl. Et elle faisait le rousl pour chaque salat. ذكر العلماء ونكرره. Et on le répète, c'est important. ذكر العلماء أن هذا من اجتهادها. Et donc beaucoup de savants ont dit que cela, c'est elle, cela vient d'elle-même. C'est elle-même qui a donc compris ou qui a décidé de faire le rousl pour chaque prière. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها. Et le prophète ne lui a pas ordonné de faire le rousl pour chaque prière. Il lui a dit fais le rousl. Et les savants, donc la majorité, donc comme je vous ai dit, beaucoup de savants, ils voient que la femme touchée par des métrorragies, elle a un rousl obligatoire. C'est tout. C'est-à-dire, quand elle finit ses menstrues, elle fait son rousl obligatoire. Et après cela, tout ce qui est cité parmi les ordres, tous les autres ordres qu'on voit liés au rousl pour la femme touchée de métrorragie, ils disent c'est mustahab, c'est recommandé. طيب الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Muttafaqun alayhi. Donc le prochain hadith, le hadith de Aisha radhiyallahu anha, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc moi ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait le ghusl dans un même récipient et nous étions tous les deux en état de janaba. Et il m'ordonnait, alors je mettais le izar. Je mettais le izar, ce vêtement donc, ce, comme un drap qu'on va mettre autour du bas du corps. Je mettais donc le izar alors que j'avais... je mettais le izar et c'est là qu'il donc avait des contacts avec moi, me caressait alors que j'étais donc menstrué. Et il sortait sa tête à l'extérieur de la mosquée en étant mu'takif. Donc le prophète, il faisait l'irtikaf. Il sortait sa tête à l'extérieur de la mosquée et je le coiffais ou je le lavais alors que j'avais mes menstrues. Le hadith est rapporté par al-Bukhari ou al-Muslim. Wa fi hadha al-hadith jawazu ihtisal az-zawjayn min ina'in wahidin fi waqtin wahid kama ra'aynahu sabiqan fi kitab aw fi bab al-janaba. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis aux deux époux de se laver dans un même récipient à un même moment, comme on l'a vu dans le chapitre de al-janaba. ثم اتفق العلماء على جواز استمتاع الرجل بزوجته فيما فوق السرة وتحت الركبة وهي حائض واختلفوا فيما بينهما. Et donc ensuite il faut savoir que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est permis à l'homme de jouir de son épouse alors qu'elle a ses menstrues en ce qui concerne ce qui est au-dessus du nombril et en dessous du genou. Ils sont unanimes. Ils sont unanimes sur cela. Et ils divergent donc concernant ce qui est entre le nombril et le genou. Les parties qui sont entre le nombril et le genou, est-il permis à l'homme donc de jouir de son épouse alors qu'elle a ses menstrues ? فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَنَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَ. Et donc l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils voient qu'il est interdit donc à l'homme d'avoir des contacts avec son épouse entre le nombril et le genou alors qu'elle a ses menstrues. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى التَّفْصِيلِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا لا يخاف أو لا يخاف عليه من الوقوع في الجماع مع زوجته وهي حائض فيجوز له وإلا فلا. Et d'autres savants voient que cela va varier d'un homme à un autre. Si l'homme, il est fort et on ne craint pas le concernant de tomber dans le fait d'avoir un rapport avec son épouse en état de menstrue, alors à ce moment, il lui est permis donc de profiter de son épouse, de ce qu'il y a, donc de ses parties entre le nombril et les genoux. Et ça, c'est pour celui donc qui est fort. والقول الأخير وهو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وهو الجواز. Et le dernier avis, c'est l'avis de l'imam Ahmed ainsi que Daoud al-Zahiri. Et il voit que cela est permis. Il est permis à l'homme de jouir de son épouse d'entre son nombril et ses genoux. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّجِحُ إِنْشَاءَ. Et cet avis, ce troisième avis, c'est l'avis le plus juste. إِنْشَاءَ تَعَالَى. أَخْرَجَ مُسْلِمُونَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسْ أَنَّ الْيَهُودِ كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. L'imam Muslim, il a cité dans son recueil, selon Anas ibn Malikin, radiallahu anh, que les juifs, lorsque leurs femmes, lorsque leurs épouses avaient leurs menstrues, ils ne mangeaient pas avec elles. Les juifs ne mangeaient pas avec elles sur une même table. Et ne restaient pas avec elles dans une même maison. Lorsqu'elles avaient leurs menstrues. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Et c'est là qu'Allah a fait descendre sa parole. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Il t'interroge concernant les menstrues. قُلْ هُوَ أَذَانْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Dit, les menstrues sont une impureté. Alors, délaissez les menstrues, délaissez les femmes pendant cette période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ. Faites toute chose sauf le rapport. Accomplissez toute chose sauf le rapport. Et donc, on comprend clairement de ce hadith que je viens de citer qu'il est permis donc à l'homme de jouir de son épouse donc alors qu'elle a ses menstrues tant qu'il ne va pas accomplir de rapport avec elle. Et ce même hadith, je ne l'ai pas cité entièrement, mais après cela, les juifs, ils disent « Inna hadha ar-rajul » مَا دَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِي. Certes, cet homme, il ne laisse rien de notre religion sans nous contredire en cela, sans faire le contraire de ce que nous on fait. Et ça, ça fait partie des fondements. وَهَدَ مِنْ أُسُولِ دِينِنَا. Ça fait partie des fondements de la religion. Souvent, ce genre de points, on les met de côté, alors que c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khaliful Yahuda wa Nasara. Contredisez, faites le contraire, ne faites pas la même chose que les juifs et les chrétiens. Aful liha, laissez-vous pousser la barbe et taillez la moustache. Wa qassu shari. Souvent, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ce genre de hadith, ils pensent juste à al-lihya et la moustache. La barbe et la moustache. Alors que ça va encore plus loin que ça. Aslun min usuliddin. Le fait de contredire donc les juifs et les chrétiens dans leur religion. Parfois, certaines personnes, tu ne distingues pas. Parfois, tu peux marcher dans la rue et une personne te dit salam alaikum. Parfois, certains se fâchent. Hein. Salam alaikum, ils se fâchent parce que tu n'as pas dit ça. Désolé, je ne savais pas que tu étais un musulman. Parce que c'est pas marqué sur ta tête, je suis musulman. Et ça, ça fait partie des fondements de ta religion. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre très important sur ce sujet. Iqtida sirat al-mustaqim fi mukhalafa sirati fi mukhalafati ashab al-jahim. Le fait de suivre la voie de rectitude dans la contradiction des gens de l'enfer. Ça fait partie des fondements de notre religion. Il ne faut pas délaisser ce point-là, les frères. Il ne faut pas délaisser ce point-là. Et le prophète qui nous a mis en garde contre cela, l'état-tabi'unna sunana man kana qablakum. Vous allez suivre la voie des gens qui étaient avant vous. Les compagnons, ils disent, Al-Yahoud wa Nassar, les juifs et les chrétiens, au messager d'Allah. Il a dit, Faman, qui d'autre? Qui d'autre? Vous allez les suivre. Regardez aujourd'hui, c'est bientôt Noël, chez les chrétiens. On va voir combien de musulmans, comme chaque année, qui tombent dedans. Chapeau, cadeaux de Noël pour les enfants, le sapin, les bonbons, etc. Combien qui tombent dedans, qui vont fêter Noël? Ils sont passés où ces fondements de notre religion? Ils sont passés où? Même dans les menstrues, on étudie ça. Subhanallah. Les fondements de notre religion. C'est important, les frères. C'est important de ne pas tomber dans ce piège. Barakallahu fikum. Wa kadhalika fi hadha al-hadith anna al-islam wasatun fi al-adyan bayna al-mufarritin wal-mufritin. Il y a aussi dans ce hadith que l'islam est le juste milieu dans les religions. Entre les négligents et les exagérateurs. Les exagérateurs, ceux qui vont, lorsque la femme elle a les menstrues, ils vont la mettre dehors. On ne reste pas avec elle dans la maison. On ne mange pas avec elle parce qu'elle a ses menstrues. Ceux qui sont négligents, ceux qui ne voient même pas, la yarawna aslan, تحريم الجماع بالحائض. À la base, il ne voit même pas l'interdiction d'un rapport avec la femme qui a les menstrues. Subhanallah. فالحمد لله على نعمة الإسلام. Et donc, nous louons Allah tabaraka wa ta'ala pour le bienfait de l'islam qu'il nous a accordé. Le hadith d'après عن عائشة رضي الله عنها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. L'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier hadith du chapitre, Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appuyait sur ses cuisses en récitant le Coran alors qu'elle était menstruée. في هذا الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. Il y a dans ce hadith la permission de réciter le Coran, donc tout en s'appuyant sur les cuisses d'une femme qui a ses menstrues. وفيه جواز قراءة القرآن مبتدعا كما ذكره الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. Et il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis de réciter le Coran en étant donc couché, donc en s'appuyant sur quelque chose en étant couché, comme l'a cité le Cheikh Ahmed al-Najmi dans l'explication de Umdat al-Ahkam. Thumma istadalla al-ulama aw ba'd al-ulama bi hadha al-hadith ala tahrim qira'at al-Qur'an lil-ha'id wa huwa madhhab al-Shafi'i wa Ahmed. Et aussi, il y a certains savants qui se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est interdit à la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran. Et ceci est le madhhab de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Pourquoi ? Parce que Aïcha dit le prophète, il récitait le Coran. Ils se disent donc, lorsque Aïcha nous précise que c'est le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, il y a en cela, on peut comprendre en cela que il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues, elle, de réciter le Coran. لكن الظاهر أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على تحريم القرآن للحائض. Cependant, ce qui est apparent, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas dans ce hadith une preuve. Il n'y a pas dans ce hadith une preuve claire montrant l'interdiction à la femme menstruée de réciter le Coran. وإليكم كلاما جميلا للعلامة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. Et je vais vous lire une parole du très savant de l'imam Ibn Baz رحمه الله تعالى, parole que j'ai pris directement sur son site, je l'ai imprimé. Le cheikh fut interrogé concernant les femmes menstruées, est-ce qu'elles peuvent réciter le Coran ou pas. فقال, il dit donc, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد, فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما يتيسر من القرآن عن ظهر القلب, لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك, وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا. Et donc il dit, après donc avoir cité la basmala et avoir invoqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis et ceux qui l'ont suivi, il dit certes, j'ai déjà parlé de ce sujet plusieurs fois dans ce programme et j'ai expliqué qu'il n'y a pas de mal et qu'il n'y a pas de gêne à ce que la femme qui a ses menstrues ou la femme touchée par des lochis récite ce qu'elle peut du Coran. Récite donc par cœur ce qu'elle peut du Coran, car certes les preuves de la législation montrent cela. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont divergé en ce sujet. فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنوب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. Ensuite, il continue, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, et donc parmi les gens de science, il y en a certains qui disent que la femme en état de menstrue, naam, ils disent que la femme en état de menstrue, que cette femme qui est en état de menstrue ou touchée par des louchis, elle ne récite pas le Coran, elle ne lit pas le Coran, tout comme le junoub, l'homme qui est en état de Jenaba. Et ils se sont appuyés pour cela sur un hadith qui est faible, rapporté par Abu Daoud. Ici, juste un petit commentaire. Hadha al-hadith lam ajidhu fi sunan Abi Daoud. Ce hadith-là, je ne l'ai pas trouvé dans le sunan de Abi Daoud, mais plutôt dans Jami' al-Tirmidhi. Dans Jami' al-Tirmidhi, pas dans sunan Abi Daoud. Et donc, il s'appuie donc sur ce hadith, un hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La femme ayant ses menstrues, ainsi que celui en état de Jenaba, ne récite rien du Coran. » Et ce hadith est faible chez les gens de science, car il vient de la narration de Ismaïl ibn Ayyash selon les Hijaziyin. Les Hijaziyin, les gens du Hijaz, Médine Mecca. Et sa narration, selon eux, elle est faible. Il se peut qu'un homme, un rapporteur, il a une narration qui soit acceptée, mais qu'elle soit refusée quand il la prend de certaines personnes. Pourquoi ? Parce que parfois, certains rapporteurs, ils avaient ce problème. Par exemple, quand il est dans sa ville et qu'il étudie chez certains méchéirs, il prend la science d'eux, alors là, il va bien maîtriser les hadiths qu'il apprend. Mais lorsqu'il va partir en voyage, peut-être qu'il n'a pas de quoi noter correctement, il ne trouve pas un confort lui permettant de se mettre à l'aise pour bien apprendre, alors à ce moment-là, il va avoir une certaine faiblesse dans ses hadiths. Et là, les savants du hadith, ils vont repérer. Ah, lui, à chaque fois qu'il rapporte des hadiths des gens de tel et tel pays, il se mélange. Et là, ils vont dire « Huwa da'if fil hijaziyin ». Il est faible quand il rapporte des hadiths des gens du Hijaz. Et donc, comme on a ici pour Ismaïl ibn Ayyash. Wa ba'du ahli al-ilm qasaha 'ala al-junub. Qala kama anna al-junub la yaqra fa hiya kadhalika li'anna 'alayha hadathan akbar yujibu al-ghusl fa hiya mithlu al-junub. Et donc certains cheikh Ibn Baz il dit et certains savants, ils vont faire l'analogie, ils vont comparer cette femme à la personne qui est en état de Jenaba. Ils disent de la même façon que l'homme en état de Jenaba, il ne récite pas le Coran, et bien de la même façon, celle-ci, la femme avec ses menstrues, elle ne va pas réciter le Coran, alors que la femme, elle est dans un état d'impureté, la femme qui a ses menstrues, elle est dans un état d'impureté qui est plus fort que l'homme qui est en état de Jenaba. Qu'est-ce que vous pensez de cette preuve ? Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit والجواب عن هذا أن هذا القياس غير صحيح لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنوب والحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيت الكثير من حفظهما للقرآن الكريم. Il dit donc, Cheikh Ibn Baz, il dit, la réponse à cela est que cette analogie, cette comparaison, elle n'est pas correcte. Car la situation de la femme menstruée et de la femme touchée par des louchis n'est pas la même situation que la personne qui est en état de Jenaba. Certes, la femme qui a ses menstrues et la femme qui a des louchis, leur période peut durer et il se peut que ça soit difficile tellement ça dure. Et il se peut qu'elles oublient beaucoup du Coran. Il se peut qu'elles oublient beaucoup du Coran si elles ne récitent pas. « Ammal junub fa muddatuhu yassira » Tandis que la personne en état de Jenaba, sa période, elle est courte. متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ. Dès qu'il a fini ce qu'il a à faire, il fait son rousl et il lit. Sa période elle est terminée, sa période elle est courte, la période d'interdiction. Fela yajuzul qiyas. Et donc on ne peut pas comparer les deux. C'est deux cas différents. Ce sont deux cas différents. On ne peut pas comparer donc la femme qui a ses menstrues à l'homme ou à la femme qui est en état de janaba. Ensuite il continue. Wal hasil anna sawab wal rajih min qawlihi al-ulama. أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر القلب وهو الصواب وهذا هو الأصل. Et donc il dit, et en résumé, l'avis le plus juste des deux avis des savants est qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme qui est ses menstrues et la femme touchée par des louchis, il n'y a pas de mal qu'elle récite donc ce qu'elle mémorise du Coran. Il n'y a pas de mal mal que la femme ayant ses menstrues et la femme ayant des louchis récite Ayat al-Kursi lorsqu'elles veulent dormir. Il n'y a pas de mal qu'elles récitent ce qu'elles ont la capacité de réciter du Coran à tout moment, donc elles le récitent par cœur. Et cela est la vie le plus juste et c'est la base. وَهَذَا وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ لَمَّا حَاضَتْ قَالَ لَهَا اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِ بِالْبَيْتِ. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque Aïcha رَجَ اللَّهُ عَنْهَا elle a eu ses menstrues, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, fais tout ce que les pèlerins font, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba. Tu ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba. Est-ce que le pèlerin va réciter le Coran? Le pèlerin va réciter le Coran. Et le prophète ne lui a pas dit, tu ne récites pas le Coran. Il lui a dit, fais tout ce que les pèlerins font, sauf que tu ne vas pas faire le tawaf. Ensuite, le cheikh il dit, « وَلَمْ يَكُلْ لَهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَقْرَئِ غَيْرَ أَنْ لَا تَتُوفِ. » Et donc, il dit, donc, le prophète il ne lui a pas dit, sauf que tu ne récite pas, sauf que tu ne fais pas le tawaf. فَمَنَعَهَا مِنَ التَّوَافِ لِأَنَّ التَّوَافِ كَالصَّلَاتِ وَهِيَا لَا تُصَلِّي فَسَكَتَ عَنِ الْكِرَاءَةِ. Le prophète, il a juste cité le tawaf, car le tawaf est comme la prière, et la femme menstruée ne prie pas, et donc le prophète n'a pas cité d'interdiction de réciter le Coran pour la femme ayant ses menstrues. فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. Et donc ensuite il continue le cheikh, et cela nous montre que la lecture du Coran n'est pas interdite à la femme menstruée, car sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait montré à Aïcha et à autre que Aïcha parmi les femmes, et ce pendant Hajjat al-Wada' ou un autre moment que Hajjat al-Wada'. Wa ma'loum anna kull baytin fil ghalib la yakhlu min al-ha'id wa an-nufasa. Le cheikh il nous dit, et il est connu que chaque maison, dans chaque domicile en général, il y a des femmes donc menstruées et des femmes donc touchées par des louchis. Donc des femmes qui sont touchées par les menstrues, des femmes touchées par des louchis, dans chaque foyer. Le cheikh il nous dit, فَلَوْ كَانَتْ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بَيَانًا عَامًا وَاضِحًا حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. Il dit, et si il était interdit à la femme de réciter le Coran, le prophète il l'aurait montré de façon générale et de façon claire, afin que personne ne l'ignore. Parce que nous sommes tous touchés par ce sujet. Dans chaque foyer, il y a des femmes qui peuvent être touchées, donc qui sont touchées par des menstrues et des louchis. Et donc le prophète il l'aurait montré clairement s'il était interdit à la femme de réciter le Coran. Ensuite, le cheikh il a parlé donc de l'homme qui est touché par l'état de janaba. C'est un petit paragraphe, mais on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal. C'est un petit paragraphe. Juste, je vais juste citer la preuve. Donc le cheikh il nous dit, en résumé, le cheikh il dit que en ce qui concerne l'homme en état de Djenaba, la personne en état de Djenaba, il y a une preuve concrète. Il dit là, lui, il lui est interdit de réciter le Coran. Pourquoi ? Parce que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne lui empêchait de réciter le Coran en dehors de la Djenaba. Rien ne lui empêchait de réciter le Coran en dehors de la Djenaba. Et aussi dans le Mousnad de l'imam Ahmed, il y a un hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu donc des toilettes et ensuite il a récité le Coran. Il a récité le Coran et donc et il a dit hadha liman laysa junuban amma al-junub fa la wa la aya. Il dit ça, c'est pour celui qui n'est pas en état de Djenaba. En ce qui concerne celui qui est en état de Djenaba, alors non, il ne récite pas même un verset. Il ne récite pas même un verset. Hadha wallahu a'lam. On continue, on finit le chapitre. Demain, inshallah ta'ala, excusez-moi si j'ai fait un petit peu long, mais il fallait donc que je lise la parole de Sheikh al-Mubaz, elle était très profitable. Wafakallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.